se bizispa. Travaille toute journée pour pas manger yon pain. Ah oui, bon Dieu bay moun de main de pied. Il suffit que yon fèbre nous marche pour sauver deux coudes. Écrit qui poco prend conscience, prend plaisir, parle le mal. Yo critique, mais malheureux qu'a fait effort. Ça yo pas réalisé, éducation famille qu'a fait, n'a pas de l'eau. Oh yo, bon Dieu, bah chaque mouillon crayon, pour tracer chimère. C'est où pour apprendre, manier. Oh oh, Mané, ça c'est Monsieur Sam de Business Man. Watch it, yeah. Et j'y vais faire encore. c'est Busis Pop. S'il vous plaît, pas craser.